Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la réussite d'une utopie humaniste et libertaire, la clinique psychiatrique de la Borde. Soigner l'institution avant de soigner le malade. C'était l'un des maîtres mots de Jean Houry, fondateur de cette clinique pas comme les autres, créée en 1953. C'est un petit château près de la Loire où les patients sont libres selon les principes de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, un mouvement de pensée plus qu'une technique qui nourrit autant la psychiatrie que la société dans son ensemble. La clinique de la Borde, c'est un perpétuel chantier, toujours en devenir, où l'on préfère essayer, adapter, discuter, plutôt que d'enfermer ou de contraindre. Né des drames de la Seconde Guerre mondiale, repère d'intellectuels dans les années 70, la clinique de Jean Houry est avant tout une aventure contre la psychiatrie alors instituée et à la recherche du partage et de la liberté de chacun. Une expérience collective et singulière, parfois remise en cause, mais qui résiste depuis plus de 65 ans, car elle sait justement se remettre en cause. Notre invité aujourd'hui, le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Près de 450 000 républicains espagnols quittent leur pays pour se réfugier en France après la victoire du général Franco. Parmi eux, Francesco Tosquel, 27 ans. Ce républicain marxiste, tout juste diplômé en psychiatrie, est envoyé à Sept-Fonds, dans le Tarn, un camp encore en construction où s'entassent par milliers des réfugiés espagnols. Là où, 3 ans plus tard, des centaines de juifs vivront leurs derniers instants avant Auschwitz, le tout jeune docteur Tosquel est chargé d'organiser un hôpital de fortune. Confronté à une demande croissante de soins psychiatriques, il utilise avec audace les rares richesses que le corps de Sept-Fonds lui offre. Pas d'infirmière qualifiée, tant mieux. Tosquel est un libertaire. Et il croit qu'une autre psychiatrie est possible, loin des camisoles de force et des fenêtres grillagées héritées du 19e siècle. Ce seront donc des prostituées, oui, des prostituées, dont il estime que l'humanité et le sens aigu du relationnel apporteront les soins nécessaires aux malades. S'adapter, expérimenter, ce sera également la méthode Francesco Tosquel à Saint-Alban-sur-Limagnol, un hôpital psychiatrique de Lozère, géré par des religieux, où il obtient un poste l'année suivante. Dans la France occupée de 1940, Vichy restreint drastiquement les tickets de rationnement des malades mentaux et les asiles deviennent rapidement des mouroirs. En 5 ans, 50 000 patients meurent de faim, soit 40% des malades. La première préoccupation de Tosquel, le psychiatre catalan, c'est donc de nourrir les pensionnaires de Saint-Alban. Avec le psychiatre Lucien Bonafé, qui l'a rejoint en 1942, il ouvre les portes de l'hôpital. Les patients qu'on a enfermés dans des cellules sont envoyés aux champs, dans les fermes alentours. Tout comme les résistants et les artistes qui vivent alors à Saint-Alban, Georges Sadoul, Paul Éluard, Tristan Tzara, les patients travaillent et se socialisent librement. Cette décision, unique en son genre à l'époque, permet non seulement de nourrir et de sauver les 1000 patients de Saint-Alban, mais elle change le regard des habitants du village, qui découvrent alors ceux qu'on gardait cachés. Dans cette petite commune, les fous sont des hommes comme les autres. À la fin de la guerre, l'expérience de Saint-Alban va donner naissance à ce qu'on appellera bientôt la psychothérapie institutionnelle. On imagine alors un autre hôpital, loin de la structure carcérale, voire concentrationnaire des établissements traditionnels. Cellules, grillages, contentions, murs d'enceinte, verrous, autant de symboles d'une oppression totalitaire que la psychothérapie institutionnelle va s'attacher à combattre, justement. Inspiré de Jacques Lacan et de Karl Marx, Tosquel, Bonafé, mais aussi Paul Balvet, ou encore André Chauran, considèrent que l'aliénation est à la fois psychologique et sociale. Leur but, c'est donc d'humaniser l'hôpital, en faire un espace de vie et de partage qui ne se réduise pas ou qui ne réduise pas le malade à sa maladie. Parmi les pionniers de cette façon nouvelle de soigner, un interne de Saint-Alban, proche de Francesco Tosquel, Jean Houry donc. Il raconte ainsi son premier contact avec les fous, comme on dit parfois, faute de mots. Je me suis trouvé monté dans un camion, non bâché. Il y avait un tas de fous dedans, hein, dont moi, enfin, pour aller faire une promenade. Une vingtaine, une trentaine de kilomètres de Saint-Alban, j'ai commencé à parler. C'est la première fois, en fin de compte, que j'étais en contact avec ces gens-là, mais c'était tout naturel, en fin de compte. Mais là, ça m'a jamais surpris. C'est pas ça qui est surprenant. C'est pas d'être en contact avec des gens qui sont, en fin de compte, un peu bizarres, mais enfin, moi, je me sentais tout à fait à l'aise. Et la surprise dont je parlais tout à l'heure, c'est de découvrir comme ça par... au tournant, on peut dire, d'une conversation, quelque chose d'un autre niveau, on peut dire d'une transcendance. En 49, Jean Houry a 25 ans quand il quitte Saint-Alban pour devenir médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Sommery dans le Loir-et-Cher. Pendant plus de 3 ans, le jeune psychiatre va s'atteler à reconstruire un hôpital vétuste, presque réduit à néant par l'occupation. Les 12 lits de Sommery sont alors les seuls de tout le département. Grâce à son engagement, la clinique de Sommery se dote bientôt de lits supplémentaires et des lieux de vie en commun sont créés. Mais les moyens manquent et l'administration ne semble pas disposée à répondre aux requêtes de ce jeune médecin idéaliste à qui l'on refuse des travaux d'aménagement. Jean Houry lance alors un ultimatum, soit la clinique est rénovée, soit il part. 6 mois plus tard, les administrateurs de Sommery refusent les travaux et désignent un remplaçant à Jean Houry. Le psychiatre est alors au pied du mur. Rester et travailler dans des conditions déplorables ou partir et abandonner ses patients. Il va faire le choix d'aventure. Je suis parti de Sommery sur la route. Il y avait 40 malades, il y en avait 33 parce que 7 ne pouvaient pas marcher. Et on a été dans des hôtels. Et j'ai prévenu l'ordre des médecins en disant que mon remplaçant n'est pas fiable. Donc on n'avait rien. Pendant le mois de mars 53, on était dans des hôtels, sur quoi, puis on cherchait une propriété. Et il s'est trouvé qu'ici, j'ai trouvé la propriété, par hasard, d'abord, par hasard. Pendant 3 semaines, en ce mois de mars 1953, Jean Houry, l'équipe infirmière et 33 malades dorment là où on veut bien les accueillir, avec l'assentiment de l'ordre des médecins. De petits hôtels, un couvent, une maternité. Le 3 avril enfin, le docteur trouve ce qu'il cherchait, un petit château fatigué près de Blois, qu'il achète bon marché grâce à un prêt bancaire. Le jeune médecin, même pas 30 ans, ne le sait pas encore, mais sa bicoque accueillera bientôt des centaines de patients et elle deviendra une institution reconnue dans le monde entier. Mais pour le moment, tout est à faire. Alors, malades, infirmières et infirmiers, psychiatres, chacun retrousse ses manches. Il n'y a qu'une voiture pour tout le monde, évidemment, pas d'argent, et le village le plus proche est à 4 kilomètres. Mais très vite, au milieu d'un bois de pins et de bouleaux, sans qu'aucune clôture ne sépare la clinique des champs environnants, l'aborde, surgit, nettoyée, retapée, prête à accueillir la vie. Un château bourgeois du 19e siècle, avec tourelles, un bel escalier central, de grandes salles de réception au rez-de-chaussée, beaucoup de chambres à l'étage et des espaces communs. Voilà. Là est le fondement de la psychiatrie institutionnelle. Offrir à tous une ambiance de vie agréable, de l'espace et de la lumière pour ne pas aggraver les souffrances. En 1953, le concept est révolutionnaire. L'équipe de Jean Houry est avant tout un groupe de proches, des copains qui se connaissent souvent des auberges de jeunesse, ces centres de vacances créés dans les années 30. Des jeunes, femmes et hommes qui vivent ensemble avec les patients, presque un phalanstère. Parmi eux, Félix Gattari. Alors tout jeune philosophe, il rejoint son ami Jean Houry dans l'aventure Laborde en 1955. Il se souvient. On se connaissait de banlieue, on avait toute une vie commune. Dans des groupements comme les groupements d'auberges de jeunesse. Ah oui, ça a compté ça, il y a eu un esprit. Ça a compté beaucoup parce qu'il y avait déjà à cette époque une préoccupation de changement de méthode. Pour aborder tous ces problèmes. Par exemple, le problème de la mixité qui est encore posé dans la psychiatrie, et il était déjà posé à cette époque aux auberges jeunesse, le problème de l'animation, toute une série de techniques que vous retrouvez ensuite dans des mouvements comme ceux de l'école Freinet ou dans la psychothérapie institutionnelle, étaient déjà à l'ordre du jour à cette époque. Ou les problèmes écologiques, qu'on a découvert que très longtemps après, ils étaient déjà dans ce terrain-là. À la clinique de la Morne, les membres de l'équipe sont appelés moliteurs et les malades pensionnaires. Car la psychiatrie institutionnelle, telle que Jean-Houry la développe au château, abolit la distinction entre patients et employés de la clinique. Pas de blouse blanche, ni de pyjama pour les différencier visuellement, et un terme qui s'impose au fil des mois, celui de soignant-soigné. D'ailleurs, et c'est un cas exceptionnel dans l'histoire de la psychiatrie, il arrivera même à la Morne que des anciens pensionnaires deviennent moniteurs. Et dans cette logique, Houry va très loin. Il dit « Un infirmier qui n'est pas soigné par un malade n'est pas un infirmier ». Souvenir, sur ce point, de Jean-Claude Pollack, qui a travaillé à la Morne. Il y a eu très tôt la volonté à la Morne de considérer que les soignants étaient également en soins, qu'ils le veuillent ou non. Alors parfois, des soignants étaient en analyse, parfois ils ne l'étaient pas, mais il y avait des groupes de parole où ils discutaient entre eux aussi. Et donc, peu à peu, on a supprimé cette partition entre soignants et soignés, à tel point que Houry a créé ce terme de soignant-soigné, hein, et qu'il disait, au fond, la vraie distinction, s'il fallait la maintenir entre les uns et les autres, c'est payant et payé. C'est-à-dire les malades, c'était ceux qui payaient, ou la sécurité sociale payait pour eux, et les thérapeutes, les infirmiers, les médecins, etc., c'était les payés. Ce que Jean-Houry veut éviter, c'est la passivité. Et il emploie toute son énergie sur le principe que les patients doivent être acteurs de leur guérison. Certes, ils prennent des médicaments qu'on leur prescrit, et ils subissent même des électrochocs quand c'est jugé nécessaire, mais en créant du mouvement, des échanges, du collectif, l'hôpital doit les pousser à s'ouvrir, oui, à sortir de l'isolement et de la maladie en toute liberté. Car pour donner aux pensionnaires la possibilité d'agir, Jean-Houry fait le choix de les laisser libres. À la Morne, qui accueille plus de 70% de schizophrènes lourds, personne n'est enfermé ni attaché. Les pensionnaires vont et viennent à leur guise. Alors, dans la clinique, eh bien, on crie, on délire, on frappe, on erre, on se confronte, mais surtout, on se rencontre. Et pas question de laisser les pensionnaires dans leur lit faute de savoir où aller, ou faute de savoir quoi en faire. Dès les débuts de la Morne, Houry s'associe à la Fédération Croix-Marine. Fondée en 1952 par deux psychiatres, Pierre Doucinet et Elisabeth Jacob, la fédération vise à donner la parole aux patients, notamment par le développement du secteur associatif. Avec le soutien de la Croix-Marine, Houry, les moniteurs et les pensionnaires labordiens créent ce qu'on appelle le club, un dispositif thérapeutique sous la forme d'une association loi 1901 dont les patients sont les responsables. Des ateliers manuels, du sport, du théâtre, du jardinage, une fermette, une bibliothèque, des projections et un journal, les nouvelles labordiennes. Un vrai retour à la vie sociale, impensable dans les hôpitaux psychiatriques d'avant-guerre, mais qui pourtant joue un rôle actif dans la guérison de chacun. Deux pensionnaires témoignent. On réapprend la communication avec les autres, quoi, ce qui quelquefois nous était difficile à l'extérieur, et ici on arrive à communiquer plus facilement et l'angoisse disparaît petit à petit. Et moi ici je vis, j'ai beaucoup d'occupations, je suis au club, je fais le standard, la caisse de dépôt, je participe à un atelier ou deux, à la bibliothèque, à la poterie, puis je fais partie du secrétariat du club. Je joue avec les pensionnaires, je suis un joueur, je ne lis pas beaucoup, mais je joue aux dames, aux échecs, à la belote. Quand j'ai envie de me reposer, me changer les idées, je prends ma bicyclette et je vais boire un café crème à Courchevernie. J'ai une certaine indépendance et je trouve que c'est la meilleure clinique que j'ai connue grâce à cette liberté qui ne nous enlève pas la joie du cœur. Liberté, amitié souvent, mais aussi responsabilité. Car les pensionnaires de la Morne ne sont jamais infantilisés. Ce sont des personnes, malades, certes, mais capables de tant de choses, et les moniteurs n'hésitent pas à leur faire confiance. Non seulement il faut gérer le club thérapeutique, son secrétariat et son bar, avec l'aide de l'équipe soignante lors des réunions dites d'ambiance. Mais les pensionnaires sont également chargés du standard téléphonique de la clinique, ils accueillent aussi les visiteurs et ils s'occupent en partie de la cuisine. Emmanuelle Gattari, la fille du philosophe Félix Gattari, gestionnaire de la clinique dès 1955, a grandi à la Borde, au milieu des pensionnaires qu'elle vous voyait comme les autres adultes. Elle raconte à Jean Lebrun sur France Inter. C'est une très jeune équipe qui est venue s'installer autour du docteur Horry, une équipe très motivée, très soudée. Et si vous voulez, dans cette équipe de soignants très solidaires, il s'est formé des couples et il est né des enfants sur place. Et on est une quinzaine d'enfants dans la première génération de la Borde, des enfants de la Borde, à être véritablement, avoir habité sur le site de la clinique et avoir fait partie de ce collectif dans un sens. Bon, nous considérions la Borde comme étant chez nous. Il y avait très peu de voitures au début et il y avait quand même besoin de rallier le village pour aller faire des courses ou chez le coiffeur, ou etc. Et donc il y avait un service de voitures qui était conduite par les pensionnaires. Donc ça s'appelait la chauffe, pour chauffeur. Et c'était aussi la chauffe qui nous emmenait à l'école. Et ça nous paraissait pas bizarre au vrai. C'était juste que chaque chauffeur avait sa personnalité, sa manière de faire. Si Jean Horry souhaite décloisonner l'hôpital, les esprits et les hiérarchies traditionnelles, c'est aussi pour des raisons d'ordre psychanalytique. Car c'est l'une des singularités de son approche, inspirée de Jacques Lacan, avec qui il mène une analyse à Paris en parallèle de son activité à la Borde. L'idée force, c'est de ne pas seulement recourir aux médicaments, mais aussi à la psychanalyse. Et voilà le constat de Jean Horry et des psychiatres institutionnels. Le transfert, cette opération qui consiste à déplacer sur le psychanalyste sa propre intériorité et ses propres fantasmes pour dépasser l'opposition entre le soigné et le soignant, est impossible pour un patient schizophrène. Il faut donc, pour Horry, lui offrir plusieurs possibilités de transfert, y compris hors du cercle médical. Ainsi, à la Borde, tous les moniteurs, qu'ils soient médecins, cuisiniers ou agents d'entretien, peuvent potentiellement jouer le rôle du soignant, comme l'explique Jean Horry lui-même. Du fait qu'on est engagé dans ce lieu, on a, qu'on le veuille ou non, une fonction thérapeutique, ce qu'on avait appelé un coefficient thérapeutique. À tel point même que une personne qui s'occupe de l'administration, du fait même qu'elle va avoir affaire à tel ou tel malade, dans certaines circonstances, aura forcément un rôle thérapeutique. On voit bien l'importance de la façon de répondre, si on répond gentiment, si on se fiche en colère, etc. Ça peut avoir des répercussions inattendues, suivant la structure même du malade qui est en question. De même, ce qui est devenu célèbre ici, c'est la cuisine. Un exemple que les Labordiens aiment donner, la cuisine, aussi bien mère nourricière que repère social. Laisser les pensionnaires y entrer, rencontrer le cuisinier, et même cuisiner avec lui, comme c'est le cas à la Borde, eh bien c'est permettre que celui-ci devienne le support d'émotions, de fantasmes, voire d'un transfert, au même titre que le psychanalyste. Alors, pour favoriser ces relations aux enjeux psychanalytiques et thérapeutiques, Jean Horry et Félix Gattari vont aller plus loin. Au fil des années 50, puis dans les années 60, il développe une stratégie pour éviter que le tas de gens fermente comme un pot de confiture dont le couvercle a été mal fermé, selon les propres mots d'Horry. Il y a comme des ombres qui coulent devant mes yeux. Sérieux, n'empêche, j'ai vu chialer mes vieux. Je sais très bien, j'ai l'air un peu bizarre. Je suis pas comme ces enfants qui jouent au square. C'est pas trop tard. N'empêche qu'il dit aussi que j'ai du retard. Prends je vais m'envoler dans les sapins. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais me tuer encore. Maman vient quelquefois me dire bonjour. Elle m'emmène par le bras jouer dans la cour. Docteur, il dit pas trop longtemps, il faut lui donner ses calmants. Elle me parle souvent, ma bonne étoile. Elle a perdu une dent et ça fait mal. Docteur, il dit, je suis pas méchante, mais qu'il faut m'enfermer de temps en temps. Une stratégie pour éviter que le tas de gens fermente comme un pot de confiture dont le couvercle a été mal fermé. Mais que veut dire Jean Houry ? Eh bien, c'est le principe du roulement, qui repose sur ce qu'on appelle à la borne une grille, un mode singulier d'organisation du travail, qui vise à dérégler le cours normal des choses sous la forme d'un organigramme et d'un planning évolutif, loin en tout cas des schémas hiérarchiques rigides qui régissent habituellement les hôpitaux. Concrètement, c'est un planning à plusieurs entrées, avec des tâches régulières ou occasionnelles, individuelles ou collectives. Tous les moniteurs s'occupent ainsi, à tour de rôle, des soins, de la vaisselle, du linge, des veilles de nuit ou encore des ateliers. Une organisation toujours en mouvement, en fonction des envies et des besoins de chacun, qui permet d'éviter que les soignants ne s'enferment dans ce que Houry appelle des petits royaumes, ce qui revient à supprimer la supériorité des uns sur les autres. Une organisation complexe, loin d'être immédiatement fonctionnelle, comme l'explique Félix Gattari. C'est progressivement, c'est sans arrêt, les institutions ont changé, ont bougé, ont évolué, on les a modifiées. Il y a eu des polémiques, il y a eu des tentatives de toutes sortes. Parce que pour nous, le vrai problème est de créer un milieu où puissent s'exprimer des choses qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ailleurs. Il faut ouvrir. Mais il faut ouvrir quoi ? Il faut ouvrir les murs, déjà, oui. Vous voyez. Mais il faut ouvrir aussi, je sais pas comment dire, les comportements, les attitudes, les mimiques, les esprits, les idées. Alors au fond, on a toujours un petit peu, nous, eu tendance à déjà nous reprocher de compliquer les choses. On n'a pas toujours pris les solutions les plus simples, on n'a jamais fait d'organigramme bien rationnel. On a souvent trouvé des solutions complexes pour que les gens sortent d'eux-mêmes, s'ouvrent sur l'extérieur. Je crois que c'est la clé. Pendant près de 20 ans, les moniteurs de la borne vont se former par l'expérimentation, l'essai, l'erreur qui, rappelons-le, fait partie intégrante de la démarche scientifique, le fameux retour d'expérience. Bref, à ces roulements qui sont devenus au fil du temps la marque de fabrique de la clinique. Un apprentissage long qui se heurte tout d'abord aux réticences de chacun. L'infirmier qui ne veut pas faire le ménage, le cuisinier qui a peur des malades, la femme de ménage trop timide pour participer au stage de formation à la maladie, mais progressivement. Chacun dépasse ses présupposés et les roulements commencent à bien rouler, au prix d'incessantes réunions cependant. Car elles aussi font partie de l'ADN de la borne. Un ingénieur conseil, invité par Houry à observer le fonctionnement de la clinique, en sortira effaré. Tant de parlotte, c'est une perte de temps, juge-t-il. Avant de suggérer cette devise, évidemment mise à la trappe, organiser une clinique, c'est exactement pareil qu'organiser une fabrique de chaussures. Pour Félix Gattari, au contraire, le roulement, aussi compliqué soit-il, permet de combattre les schémas hiérarchiques aliénants entre soignants et soignés. Qu'est-ce que vous avez l'impression que vous leur apportez alors au Madame Manteau? Vous savez, moi je crois qu'il faut prendre votre question un peu en creux. L'important c'est de ne pas nuire, c'est pas de chercher tellement à apporter. C'est d'essayer de reproduire le moins possible les comportements alliés dans l'extérieur. C'est pas facile, parce qu'on les porte, on en est... Il y a une sorte de pollution mentale. On reproduit le rapport soignant-soigné, on reproduit l'espèce de dépendance. Alors docteur, vous savez ce que j'ai, vous dites-moi... Et puis on reproduit toutes les attitudes de rassurance dans la hiérarchie, dans l'autorité, qui aboutissent à une passivité finalement. Ouais. Pas de hiérarchie soignant-soigné donc, et pas de hiérarchie tout court, malgré d'inévitables conflits de pouvoir et des grincements de dents quand la fiche de paix arrive, par exemple. Car les salaires sont harmonisés et donc revus à la baisse pour certains. Mais selon Jean Houry, les conflits sont loin d'être négatifs. Au contraire, ils permettent aux individus d'exister. Et bien qu'exploités, ils donnent naissance à une créativité salvatrice. Ce qui fait qu'à la Borde, on parlemente beaucoup et on crie parfois. Les réunions, plusieurs par jour, ont un enjeu thérapeutique. Elles constituent une soupape de sécurité qui permet à tous, moniteurs et pensionnaires, de débattre de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et ça marche, figurez-vous. À tel point que dans les années 70, la clinique connaît un véritable âge d'or. Infirmiers, psychiatres, chercheurs, artistes, le château de Jean Houry attire professionnels du soin et intellectuels en tout genre qui viennent se former, travailler et vivre l'expérience Laborde. Fernand Deligny, éducateur pour enfants en difficulté, y travaille comme animateur avant d'aller s'installer dans les Cévennes, où il crée des lieux de vie alternatifs pour enfants autistes. Fernand Houry, le frère de Jean Houry, instituteur, y envoie des stagiaires, alors qu'il fonde une pédagogie nouvelle, inspirée de Freinet, la pédagogie institutionnelle. Sur le modèle de Laborde, il cherche à changer le fonctionnement de l'établissement scolaire pour changer l'éducation des enfants. Comme Claude Jean Girard à La Chenée en 1956, le psychiatre René Bidou, ancien moniteur à Laborde, fonde en 1973 une clinique inspirée d'Houry à Fréchines. Autant d'expériences aux inspirations et aux aspirations communes, alternatives, libertaires et souvent communautaires contre les doctrines établies. Une vision politique de la maladie, comme l'explique Félix Gattari en 1977. Je pense que les problèmes politiques, et de plus en plus, sont en même temps de même nature que les problèmes qu'on trouve dans l'inconscient. Si vous voulez, on le voit bien dans certains malades, dans certains délires graves, on voit qu'il y a des thèmes de problèmes tout à fait sociaux. Les Chinois, les Russes, les fusées, les rayons de toute nature. Les camps de concentration. Les camps de concentration, oui, c'est ça, le racisme, qui joue comme matière même du délire. Ce qui montre qu'il y a une communication entre tous ces thèmes qui sont véhiculés par la télévision. Et puis, les choses les plus intimes qu'on vit dans la solitude, qu'on vit dans le délire, qu'on vit dans l'impasse. Donc je me méfie, si vous voulez, s'il y a, pour moi, il n'y a pas un inconscient individuel et un inconscient collectif, il n'y a donc pas un spécialiste de l'inconscient individuel, et puis, je ne sais pas quoi, qui est chargé de représenter les problèmes collectifs. Une vision politique marquée par son époque, qui va également faire les frais d'inévitables guerres de chapelle. Certains reprochent ainsi à Jean Houry et à ses collaborateurs de s'appuyer sur une vision rousseauiste de la société. Vous connaissez, l'homme n'est naturellement bon, mais la société le pervertit. Une société forcément mauvaise et donc unique responsable de la folie des individus. D'autres dénoncent l'isolement des malades dont les troubles ne seraient régulés que par une institution créée de toutes pièces hors de la réalité extérieure et pour eux, la réalité tout court, la seule. Mais ces critiques n'empêchent pas la psychothérapie institutionnelle d'essaimer et de dépasser le cercle des labordiens. Car grâce à Jean Houry et à d'autres pères de la méthode, comme Lucien Bonafé, c'est l'ensemble de la psychiatrie publique française qui va évoluer dans le sens de certains des principes labordiens. Au cours des années 70 et 80, le système psychiatrique dans l'Hexagone rompt ainsi avec l'asile et le principe de l'exclusion des malades sur le modèle de ce qu'on appelle désormais la psychiatrie de secteur. Autrement dit, des petites structures en dehors des hôpitaux, structures de jour, ateliers thérapeutiques, appartements communautaires pour favoriser les rapports sociaux du patient. Reportage sur ce point sur France 3 en 1985. La sectorisation de la psychiatrie, c'est un débat déjà ancien qui recouvre une réalité toute simple. Cela consiste à autoriser les malades mentaux en voie de guérison à quitter l'hôpital pour rentrer chez eux le soir, par exemple. Jusqu'ici, la France était un peu en retard dans ce domaine, essentiellement pour des raisons financières. Et une loi qui vient d'être votée par les députés va débloquer la situation et accélérer maintenant l'ouverture des hôpitaux psychiatriques. Après 25 ans d'attente, elle modifie, on peut dire, les rapports entre la société et le malade mental. Autrefois, c'était l'internement. Maintenant, enfin, la maladie mentale est une maladie comme les autres. Mais malgré une certaine diffusion du modèle Laborde et une reconnaissance officielle par la Caisse régionale d'assurance maladie, la clinique de Jean Houry connaît des difficultés à la fin des années 80. L'efficacité des soins pratiqués est reconnue, mais la clinique peine à obtenir les moyens nécessaires. Endettement, détérioration des locaux, salaires sous-évalués, baisse du nombre de salariés, les budgets toujours plus serrés pèsent sur Laborde, qui doit également faire face à des pressions de la part de la Haute Autorité de Santé, l'organisme public chargé de certifier les établissements de soins. De sorte que Jean Houry s'emporte sur France Culture. Quand on a la visite de la Haute Autorité, on en a eu encore cette année, ça bouleverse tout le monde. C'est des gens incompétents. Ils savent rien de la psychiatrie. Et c'est eux qui sont chargés de faire des enquêtes sur la psychiatrie. On peut dire que c'est vraiment un fléau, quoi. Tout vire vers une bureaucratisation. Il faut remplir des feuilles. Ça nous a obligés de dépenser beaucoup de fric pour modifier un escalier, pour mettre une table comme ci, comme ça, etc. Il fallait calculer, par exemple, dans le service... Les toilettes, les chiottes, les machins, les lavabos, savoir à quelle hauteur faut mettre le savon. Passer des heures à faire des conneries comme ça. Et c'est des interventions, à mon avis, de gens incompétents, qui ont un pouvoir. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des malades. À partir des années 90, le diktat de l'hygiène et des règlements s'impose progressivement à Laborde. Il faut tout mettre aux normes au risque de dénaturer ce qui fait la singularité de la clinique, la liberté, la spontanéité, la vie en commun. Et en 2014, la Haute Autorité ordonne la fermeture de ce qui constitue le cœur palpitant de la clinique, car jugé non conforme, la cuisine. Alors, fini la pluche, cet atelier où soignés et soignants épluchaient ensemble les légumes pour le repas du soir. Fini les gâteaux préparés avec l'aide des moniteurs qui doivent maintenant conserver des échantillons de chaque ingrédient dans des sachets datés. Fini également les pensionnaires qui servent des repas aussi conviviaux que thérapeutiques. Sans qu'on en prenne forcément conscience à l'époque, les années 80 nous embarquent dans les années d'aujourd'hui, celles de la reprise en main, du retour à la norme et du combat contre l'utopie, y compris quand elle est réaliste et surtout humaniste. 15 jours après cette décision de la Haute Autorité de Santé et avant d'avoir pu trouver une solution, Jean Houry décède d'un cancer dans sa clinique de Laborde. Et avec lui, ses rêves d'un autre monde dans le domaine de la psychiatrie auquel il avait dédié 61 ans de sa vie. Malgré le décès de son fondateur et les normes qui contraignent la clinique Laborde, l'établissement existe toujours, 5 ans après la disparition de Jean Houry. Plus de 100 pensionnaires y séjournent actuellement, comme le millier d'autres avant eux. Et aujourd'hui, Laborde résiste. Car c'est l'une des forces de cette psychiatrie dite institutionnelle. Parce qu'elle vise à remettre en cause l'institution, elle se remet en cause elle-même et ne cesse d'évoluer au fil du temps. À chaque époque, à chaque établissement sa pratique, ses expérimentations, ses contradictions aussi. À la clinique Laborde, des compromis ont finalement été trouvés avec l'administration pour préserver ce lieu si singulier. Et la clinique parvient encore à se maintenir financièrement à flot malgré le manque de moyens. Bref. L'aventure continue comme avant, ou presque, tandis qu'ailleurs en France, la psychiatrie connaît une crise sans précédent. Maman est folle, on n'y peut rien, mais ce qui nous console, c'est qu'elle nous aime bien. Quand elle s'envole, on lui tient la main, comme un ballon frivole au gré du vent qui vient. Tais-toi, Léopold, surtout ne dis rien. Les gens dans leur cage j'colle, n'y comprendrai rien. Quand maman rigole, on oublie qu'on a faim, que c'est l'heure de l'école, qu'on a peur des voisins. Elle est notre idole, on en a le cœur plein. Faut pas qu'on nous la vole ou qu'on l'emmène au loin. Tais-toi, Léopold, surtout ne dis rien. Les gens dans leur cache-colle n'y comprendraient rien. Maman est folle, on n'y peut rien, mais je veux pas qu'on la vole ou qu'on l'emmène au loin. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'aventure de la clinique de la Borde. Notre invité, le professeur Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil, et vous avez écrit « Retrouver l'espoir, abécédaire de psychiatrie positive ». Vous avez remarqué que j'ai terminé le récit en disant qu'en France, la psychiatrie publique connaît une crise sans précédent. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Oui, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, malheureusement. C'est vrai, je dirais, après avoir écouté ce superbe historique, peut-être une crise identitaire, probablement, et ça c'est des problèmes de fond qui seraient très longs de développer, mais je pense qu'ils ont un sens après ce qu'on vient d'entendre. Mais après, surtout, malheureusement, des difficultés de fonctionnement. Alors surtout parce que les besoins ont beaucoup augmenté. La psychiatrie des années 60, et donc le modèle du secteur notamment, a été fait pour ces malades les plus lourds, probablement ceux qui étaient dans les asiles et qu'on a heureusement pu faire sortir. Et depuis 20 ans, 30 ans, on nous sollicite, et à juste titre, et c'est vertueux, pour beaucoup d'autres difficultés psychologiques. On parle beaucoup de dépression maintenant, alors je pense qu'on en parlait beaucoup moins avant. Donc il y a beaucoup de demandes, par exemple, pour des prises en charge pour d'autres sujets, les addictions, les troubles du comportement, des choses qui avant ne relevaient pas, ou en tout cas pour lesquelles les personnes n'accédaient pas à la psychiatrie. On y accède plus facilement, heureusement, mais par contre, on est vite débordé, et on est débordé aujourd'hui parce que pas assez de personnel, quoi, pour simplifier. Oui. N'en déplaise à Rousseau, la société ne crée pas plus de malades aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire qu'on prend en compte des pathologies qu'on ne prenait pas en compte avant, c'est peut-être ça qui change. Ça c'est sûr, mais par ailleurs peut-être aussi que la société en tout cas offre moins de paravents ou de structures aussi sociétales, sociales, de soutien. Alors les familles qui sont souvent quand même plus fragiles, il y a tout simplement par exemple les communautés religieuses qui sont peut-être moins solides aussi, donc les individus eux-mêmes souffrent peut-être plus et ont besoin plus de cette aide de santé en fait. L'hôpital psychiatrique semble souffrir des mêmes maux que l'hôpital public en général, donc une histoire budgétaire, pas assez de lits. Mais est-ce que c'est pas une façon de lutter contre la logique de l'asile, ce problème reporté aux soins psychiatriques? Oui, alors la question des lits, qui est vraiment un sujet très très sensible, mais qui est complexe. C'est sûr que la fermeture, qui était drastique, hein, plus de la moitié des lits de psychiatrie ont été fermés en une trentaine d'années, pour vraiment des bonnes raisons, pour soigner à l'extérieur de l'hôpital et aussi parce qu'on soignait mieux probablement certaines pathologies qui ne nécessitent pas des hospitalisations. Mais pour autant, on a été sûrement beaucoup trop vite. Là, j'étais intéressé par l'interview de ce psychiatre des années 80 qui disait « ça y est, on a des moyens, on va pouvoir faire des choses à l'extérieur ». 30 ans plus tard, on se dit bon, malheureusement, ça n'est pas allé jusqu'au bout. On n'a pas aujourd'hui les structures externes en dehors de l'hôpital pour soigner correctement. Et puis il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des personnes qui restent avec un certain niveau de handicap malgré les traitements qu'on peut mettre en place et qui ont besoin de lieux de vie. Et ces lieux de vie, on les a pas. Donc les hôpitaux, en fait, sont engorgés, c'est pas un joli terme, mais sont débordés par des patients qui ont besoin d'être quelque part et qu'on ne peut pas mettre dehors, réellement, humainement, on ne peut pas le faire. Donc on attend des places dans des foyers, dans des structures qui ne sont pas assez nombreuses, et donc les services en fait sont débordés. Je crois que c'est malheureusement ça la réalité aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas seulement un problème technique, est-ce qu'on ne manque pas de volonté politique? Alors de volonté, en tout cas, même sociétale jusqu'à présent. Et même politique, hein. Parce alors que politique en tout, plus, bien sûr. Alors je crois que pendant depuis toujours, la psychiatrie n'a jamais été une priorité, malheureusement. Par exemple, dans le domaine médical, pour des raisons multiples, ça fait peur, c'est compliqué. On s'y intéresse moins que d'autres choses. Moi, j'ai toujours vu des politiques s'intéresser à la psychiatrie. Souvent pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un de malade dans ma famille, je me rends compte ce que c'est, et dans ce cas-là, ça parle. Ou alors, malheureusement, ces derniers temps, on l'a vu à l'occasion d'accidents dramatiques. C'est toujours quand on sait que là, on voit qu'on ne peut plus se fermer les yeux, qu'on finit par agir. Alors, on commence, je pense, aujourd'hui, à faire passer ces messages-là, avec l'idée toute simple, c'est que la psychiatrie, ça concerne tout le monde. Enfin, en tout cas, la santé mentale, ça concerne tout le monde. On a tous des connaissances qui sont confrontées. On peut tous l'être à un moment donné. Donc, réellement, potentiellement, on est tous. Tout à fait. Et ne serait-ce que statistiquement, c'est une personne sur cinq, par exemple. Donc, il y en a forcément autour c'est de beaucoup. Nous, bien sûr. Et donc, ça fait partie, je pense, d'une fraternité minimale que de dire de s'occuper de la santé mentale de tout le monde. À propos de volonté politique, il y a un peu plus d'un mois, Léa Salamé et Nicolas Demorand recevaient sur cette antenne, bien sûr, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et une auditrice, Géraldine, infirmière en psychiatrie, l'avait alors interpellée. Donc bonjour, je suis Géraldine, infirmière exerçant dans un grand centre hospitalier psychiatrique à Paris. Donc Madame Buzyn, cela fait des mois que les collectifs nationaux comme Pinel, Blouse Noire, PPU, Printemps de la Psy, UNAFAM, UMAPSY défendent et alertent pour une psychiatrie plus humaine et plus digne à l'intérieur et en dehors des murs. Vos réponses, Madame Buzyn, des promesses budgétaires qui sont en fait des rustines hein, face à la réalité de la psychiatrie en France. Donc déjà, écoutez-nous un petit peu et venez passer ne serait-ce qu'une semaine dans nos services et pas dans les centres de recherche experts ou de neurosciences, parce que maintenant c'est comme ça qu'on les appelle et qui sont des vitrines en fait d'une psychiatrie complètement déconnectée. Et surtout, écoutez les patients et le personnel. Qu'en pensez-vous ? J'imagine que vous êtes d'accord, globalement. Oui, alors bien sûr, alors ça peut toujours faire sursauter d'entendre de parler de rustine, par exemple, quand on parle de moyens supplémentaires, parce que c'est vrai qu'il y a eu un effort là, très récent, alors qu'on considère comme minime, tout simplement parce que l'ampleur du problème est vraiment telle que même 50 millions, c'est à peu près la somme qui a été avancée, parce que les 100 millions, c'était plutôt une autre forme de calcul, mais 50 millions, quand on sait qu'il y a, au bas mot, 2 ou 3 millions de personnes qui ont besoin de soins réguliers, ça veut dire 20, 30, même pas 25 euros par an par personne, donc c'est même pas une consultation. Donc évidemment l'ampleur est telle que on ne peut pas réformer les choses facilement, il faut une volonté sur le long terme, c'est ça que nous demandons beaucoup, et qui soit, alors la petite réticence avec ce qu'évoquait l'infirmière tout de suite, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule psychiatrie, il y a plusieurs psychiatries, il y a plusieurs modes de soins, et elle évoquait ce qu'on essaie de développer quand même par ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est basé sur les neurosciences, sur une meilleure compréhension de la maladie, parce que la maladie mentale est aussi une maladie du cerveau notamment, mais aussi, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, une maladie sociétale, une maladie sociale, une maladie de l'individu à un moment donné, et il faut concilier toutes ces approches. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à avoir une vision plus consensuelle des choses. Elle n'est pas parfaite encore. Il y a toujours eu des débats d'école dans notre discipline. Mais je crois qu'aujourd'hui, on arrive à allier les approches humanistes, de sciences humaines et aussi de sciences un petit peu plus biologiques, parce qu'on peut espérer des progrès de ce côté-là grâce à la recherche. Alors, on a connu, on a vu à travers des romans, des films, et puis certains par la réalité, des internements de force. On disait ça à l'époque. Comment ça se passe maintenant pour les internements aujourd'hui? Alors un internement, c'est vrai que c'est l'image la plus brutale en général de ce qu'on a en tête. Malheureusement, il arrive qu'on soit obligé de le faire. Peut-être plus qu'avant, on nous reproche beaucoup, enfin nous, c'est-à-dire les professionnels, et c'est toujours très difficile quand on culpabilise des personnes qui font vraiment leur travail du mieux possible, mais c'est d'être dans une situation extrême où il faut protéger la personne malade ou son entourage, parce que il y a parfois quelques drames qui sont rares et rarissimes, mais qu'il faut éviter à tout prix. Donc il existe dans la loi une mesure qui permet de faire des hospitalisations, on dit sans consentement, c'est-à-dire quand la personne n'est pas apte à consentir à cause de sa maladie, pour la soigner et pour protéger le temps nécessaire. Donc c'est très très encadré, ça, et notamment il y a toute une procédure administrative qui est lourde et qui se rajoute à tout le travail des soignants pour avoir une démarche qui soit la plus éthique possible, la plus juridiquement adaptée. Donc c'est un travail en plus du soin, un travail de se conformer à des obligations qui sont tout à fait légitimes, parce que on est amené parfois à aller contre les droits individuels dans ces cas-là, ce qui est parfois terrible, mais parce que c'est la maladie qui pousse. Donc il y a ces soins contraints qu'on essaye d'alléger le plus possible, de faire le moins longtemps possible, mais c'est vrai qu'il y a encore parfois des unités dans lesquelles on est obligé de fermer la porte, d'éviter que les personnes s'en aillent parce qu'elles sont en danger sinon. En 2016, c'est récent, en 3 ans, un rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté, donc c'est la prison, hein, entre autres, dénonçait la banalisation de la contention et de l'isolement. Aujourd'hui, si on enferme, si on attache, c'est pour des raisons idéologiques, médicales, ou parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement? Alors idéologique, heureusement non, évidemment. Bon. Médical, je crois pas non plus. Rassurer. Bien sûr. Alors médical, je crois pas non plus, si ce n'est que le lieu de soins, la clinique de la Borde par exemple en est un exemple, mais les hôpitaux sont aussi des lieux de soins en eux-mêmes. Donc ça, on peut considérer que être hospitalisé plutôt de manière libre, ça peut être en soi thérapeutique, mais l'essentiel c'est d'apporter des soins à la personne. Et parfois, et comme je vous le disais tout à l'heure, pour des raisons de danger immédiat, malheureusement, il y a des personnes qui ont à un moment donné par exemple des idées délirantes qui leur font penser que les personnes en face d'elles sont dangereuses, donc vont éventuellement les attaquer ou se défendre. Donc il faut protéger la personne. Alors, bon, on sait très bien que ces pratiques-là sont exagérées quand on n'a pas assez de personnel. C'est évident, et que la meilleure façon de soigner quelqu'un, c'est d'être à ses côtés, en nombre suffisant, le temps suffisant. Et aujourd'hui, où les effectifs soignants sont toujours en diminution par rapport aux besoins, malheureusement, je pense, et le constat du contrôleur des lieux de liberté est pertinent à ce niveau-là, c'est que plus on retire des moyens de soins, plus on risque d'avoir recours à des moyens physiques de contention qui sont tout sauf souhaitable dans ces cas-là. Évidemment, parmi les images violentes de l'univers psychiatrique, on a tous en mémoire les électrochocs. Ça se pratique encore? Tout à fait. Alors, je vais, pour faire de la provocation, on peut dire que c'est le traitement le plus efficace et, je vais vous dire, le plus sûr en psychiatrie. Donc, c'est vraiment pas l'image qu'on en a, surtout depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou. Bien sûr. Et évidemment, ça a complètement changé. Ce n'est pas un traitement de choc, en fait. C'est pour ça qu'on n'utilise plus le terme d'électrochoc. Vous dites quoi maintenant? On dit électroconvulsivothérapie, c'est un petit peu long. Électroconvulsivothérapie, ECT. Tout simplement parce que ça se pratique sous anesthésie générale, avec une procédure médicale tout à fait bien encadrée, très sécurisée, et de manière, je vous dis, je dis pas douce, hein, parce qu'évidemment, ça demande une hospitalisation, ça demande une séance répétée, mais c'est un traitement très efficace dans les dépressions très graves. Alors, c'est évidemment extrême, hein, c'est des traitements rares, mais que, par exemple, dans mon service, on pratique tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines. Donc pour des cas vraiment difficiles à soigner autrement, c'est un traitement très efficace, et je vous dis, alors c'est jamais sans risque absolument, mais avec des risques très faibles, par exemple, qu'on peut faire, dont on peut faire bénéficier des femmes enceintes, par exemple. Qu'est donc ? Oui, et des personnes âgées. Donc parce qu'il y a souvent moins d'inconvénients que des médicaments, dans certains cas. Et c'est quoi le principe d'un électrochoc? Alors, ce n'est pas un électrochoc. Non, pardon, d'un ECT. Un ECT, tout à fait. C'est en fait de déclencher l'équivalent d'une crise d'épilepsie, uniquement dans le cerveau, donc ce qui ne se voit pas autrement, par un petit courant électrique très faible, hein, qui est à peine sensible, et qui va, alors on ne sait pas bien pourquoi, c'est un des mystères encore de nos traitements, remettre en place probablement des circuits du cerveau qui étaient un peu défaillants, notamment dans la dépression ou dans d'autres pathologies. Alors par contre, ce n'est pas en une seule fois, il faut répéter la procédure, en général une douzaine de fois. Donc un traitement, ça dure en général 3 à 4 semaines, parce qu'on ne le fait pas tous les jours, on le fait un jour sur deux en général. Donc ce sont des séances d'une demi-heure, tout compris, ah, avec long, une petite... Même. Non mais l'anesthésie elle-même et la sismothérapie durent à peine 1 minute, hein, mais c'est la préparation et puis ensuite le réveil, puisqu'il y a une anesthésie. Bon, tout ça est très codifié, très encadré. Ça se passe dans une salle de réveil comme pour une opération. Donc, il faut le dire, une chose qui est une limite, qui est un effet secondaire assez fréquent, ce sont des troubles de la mémoire qui surviennent au moment de la période de traitement et qui peuvent durer encore quelques semaines ensuite, mais qui le plus souvent régressent complètement après. Donc, c'est le seul inconvénient auquel il faut penser quand même quand on prend cette décision. Alors, oublions les images violentes des films et des électrochocs dans les films. Bien! Il nous reste quelques minutes pendant lesquelles on va parler de cette expérience Laborde. Globalement, quel regard vous posez sur cette expérience? Qui est passionnante, hein, parce qu'elle prend tellement à revers tout un tas de choses qu'on croyait immuables. Alors, en même temps, elle a, je pense que, comme vous l'avez dit, elle a essaimé, elle a imprégné beaucoup du développement de la psychiatrie en France dans les 30 ou 40 dernières années, avec des éléments qui ont été intégrés, et puis d'autres moins. Je pense que la partie, on peut dire, qui venait elle-même de la psychanalyse, je pense, a été un petit peu délaissée dans beaucoup d'institutions, beaucoup d'équipes, parce que ce n'est plus la théorie dominante. Par contre, toute la partie qu'on a bien entendue de la liberté des personnes, de l'humanité, en gros, c'est-à-dire considérer chaque personne comme un être différent qui est au même niveau que le soignant ou qu'une autre personne. Ça, je pense que beaucoup de psychiatres, heureusement, ou de soignants en psychiatrie, ont ça comme vocation, on peut dire, et essayent de l'appliquer, alors plus ou moins facilement, selon les contextes. Et puis, par ailleurs, la notion de réintégrer la personne dans la vie sociale normale, ça, c'est quand même un des piliers du secteur, et que aujourd'hui, ce qu'on appelle la psychiatrie communautaire, alors c'est pas trop institutionnel, parce qu'institutionnel, ça voudrait dire que les personnes restent longtemps dans une institution, ce qui peut être le cas, mais c'est vraiment moins fréquent que par le passé, puisqu'on préfère avoir des séjours courts en général, ce qui est bon aussi, qui a d'autres inconvénients, mais en tout cas, la psychiatrie communautaire, c'est traiter un peu de la même façon les personnes, comme on l'a entendu, mais en étant dans une démarche, on dit ambulatoire, c'est-à-dire des consultations seulement, et la personne vit à l'extérieur de l'hôpital, mais en ayant un objectif de, on dit d'inclusion maintenant, d'inclusion sociale, parce que les malades... Contraire d'exclusion. Exactement. Bien. Dans cette archive qui date de 1977 et qu'on va écouter ensemble, on va entendre un pensionnaire de la clinique de la Borde, c'est important, parler de sa maladie. Alors moi je suis tombé malade en 1966, j'en suis toujours au même point, et je n'ai rien à vous demander si ce n'est de l'argent pour faire l'amour avec une prostituée. Comme vous l'a expliqué Madame Neyer, la Borde c'est une arrière-pensée politique qui est marxiste et que je ne partage pas, et étant donné que mes parents ont de l'argent, je leur demande de me donner de l'argent. Voilà. Autrement, je ne tuerai personne, contrairement à... J'y m'arrive de crier très fort que j'ai envie de tuer les petites filles, etc. Mais en fait, je ne suis pas dangereux. Je suis un génie physiologique. Je me contrôle très bien. Et quand je me suis masturbé, ça va mieux. Je me contrôle très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Si un patient vous disait ça, vous, le psychothérapeute... Ça arrive souvent. Oui, j'imagine. Non, mais je crois que vraiment le message, là, c'est la liberté qu'on a bien entendu dans l'organisation de la clinique et dans le rapport aux personnes, les laisser libres. Alors le discours, alors, malheureusement parfois quand même le discours de personnes dans des états de crise ou dans des états de grande douleur morale reflète quand même avant tout un dysfonctionnement, donc évidemment il faut faire la part de ce qui revient d'une maladie quand même, la maladie mentale ça existe et on peut pas que respecter je dirais la parole de la personne dans ce cas-là parce qu'elle est souvent pas libre sa parole, elle est liée à la maladie, donc faut trouver toujours un équilibre, c'est ça là, je crois la vraie difficulté mais aussi le grand intérêt de cette discipline, c'est de travailler à la fois avec une personne qui est une personne autonome avec son libre arbitre et dont on doit libérer d'une maladie mentale qui, je vous disais, n'est pas qu'une entité virtuelle, quoi, malheureusement. Est-ce que la Borde a vraiment fait école ? Alors il y a d'autres, il y a encore la Borde, il y a quelques établissements similaires, mais je crois que l'école principale, même si ça se perd un peu, c'est la philosophie du soin, donc dont encore beaucoup de psychiatres se réclament un petit peu, je dirais. Des structures, je vous disais similaires, ça me paraît un peu difficile parce que, alors c'est peut-être très administratif et très, on l'a entendu, très très économique. Malheureusement, on ne peut plus organiser des soins au long cours dans des institutions. Vous voyez, c'est aujourd'hui on exige de nous des durées de séjour dans les hôpitaux de 2-3 semaines, 4 semaines. Et dès que ça dépasse 6 mois, alors les administratifs appellent ça des séjours extrêmes, voire des séjours inadéquats. Je pense qu'on dirait ça à Jean Houry, ça le ferait hurler. On s'aperçoit aussi que peut-être que si cette expérience la Borde a réussi à exister, c'est lié aussi à une époque. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on ferait ça ? Tiens, aujourd'hui, on se lance dans une autre expérience communautaire alternative. Est-ce que les temps sont porteurs de ça ? Non, je crois pas. Et puis, en même temps, les besoins ne sont pas les mêmes. Et puis là, bon, il y a un changement culturel qui fait que il n'y a pas forcément cette aspiration-là. Donc, c'est vraiment le témoin d'une époque, c'est clair, mais dont on peut quand même garder des choses. Je pense qu'on a, j'ai entendu beaucoup de choses là dans les extraits qui, je pense, pourraient motiver quand même encore beaucoup de soignants et beaucoup de familles aussi, je pense. Et je vais employer un terme dont je n'ai jamais réussi à comprendre la signification profonde, mais au moins, à vous, je peux le dire, est-ce que c'est lacanien, tout ça? Ah ben c'est bon, c'est, oui, c'est lacanien. C'est une réponse qui demande 10 minutes, mais bon. Exactement, mais... Enfin, surtout... il a soutenu. Oui. Alors bon, il y a des limites à tout, et je pense qu'il y a bon, il n'y a pas eu que du bon dans ce qu'a pu apporter Lacan à la psychiatrie, mais il y a eu du bon. Merci infiniment, professeur Antoine Pellissolo. Je rappelle que vous avez écrit le livre intitulé Retrouver l'espoir, abécédaire de psychiatrie positive. Merci pour tous vos éclairages. Merci. Au revoir. À vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la clinique de la Borde, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Nicolas Cazot.